Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les amis des autres pas les noces de l'agneau.